qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? T'as pas le moral? Pas de thune en ce moment? Personne dans ta vie qui pense à toi? Ton portable qui ne sonne plus? Bienvenue sur Europe 2. Nous, tout va bien, merci. On a plein de fans, la pêche, et on est pété de thunes. Ça va? On t'a remonté le moral? Coé, sur Europe 2, quand ça va pas, écoute-le. Oui, allô? Allô? Oui. Oh oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. J'appelle pour la petite annonce. Oui. Pour adopter les chats. Voilà, je viens de lire, donc je ne sais pas bien comment ça marche. Ben, on est ouvert le samedi de 14h à 18h. Oui. Vous venez avec une carte d'identité, un panier de transport. D'accord. Et on vous prend 600 francs, ça comprend la stérilisation et le tatouage. Ah, 600 francs, attendez, je note. Hein. 600 oui. francs par chat. Oui, par chat. D'accord. Ça comprend la stérilisation et le tatouage. D'accord. Et la race, c'est comment? Européen. Européen, donc c'est de l'européen. Je marque, hein, c'est pour écrire sur la carte. Donc, européen. Ils ont quel âge? Ah, ben ça, il y a tous les âges. Hein. C'est de 2 mois à 10 ans. D'accord, alors de 2 mois, ça c'est pour les beignets vapeurs. Donc 2 mois et 10 ans, ça, friture. D'accord, très bon. Voilà, vous avez tous les âges. Très bon, je note. Il m'en faudrait une dizaine. Hein. Comment? Une dizaine, si c'est possible. Attendez, c'est pour quoi? Non, c'est pour une compagnie. Je travaille dans un restaurant. Ah ouais, alors là, pas question, hein. Pardon, pourquoi? Parce que c'est des chats de compagnie et c'est pas des chats pour un restaurant. Non, mais ils font de la compagnie, hein? Non. On aime. Non, on fait pas ça comme ça. On est une association, on n'est pas obligé de. On n'est pas une boutique. Mais vous savez, madame, j'aime beaucoup les chats. Oui, non, on n'est pas une boutique. C'est très bon, les chats. J'aime les chats vapeur. Oui, les chats cantonnés, les chats vermicelles. Oui. Et alors, vous irez vous faire voir parce chats que. Curry. Oui. Vous irez vous faire voir gentiment. Oh, t'arrêtes, toi, tout à l'heure, on cuira. Tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Oui, non, il n'est pas question, hein. T'arrêtes, toi aussi, hein. Excusez-moi, c'est le numéro 12 sur la carte. Mais ça. Chat, 6 mois, vapeur, très bon, hein, avec le riz, très bon. Oui, c'est ça. Alors, bonsoir, très monsieur. Bon. Passez une bonne journée. Vous voulez que je vous livre? Avec les baguettes, les serviettes. Oui, c'est ça. Allez. Je vous mets des perles coco? Oui, j'ai autre chose à faire que de m'amuser, hein. Quand on m'amuse pas, madame, c'est. Arrête, toi, hein. Oh non, c'est ça quand suffit on... maintenant. Hein. Oui, ça suffit, hein. La dame a entendu ce qu'elle a dit. La dame a dit, ça suffit, hein. Voilà, madame. Oui, ben c'est vous bon. Pouvez m'en mettre 10 de côté, alors. Mais c'est ça. Venez parce à que la j'ai... maison, vous allez vous faire sortir. Vous parce allez que j'ai un banquet samedi. Mais ça, je m'en fous. Si vous pouviez me mettre une dizaine de côté. Ça, ça me ferait plaisir. Oui, ben moi, ça me fera plaisir aussi. Si vous venez, vous allez voir, vous allez entendre du pays. Bon, d'accord. Vous n'aimez pas qu'on touche au chat? Ah, pas du tout. Parce qu'on a du chien sur la carte aussi. Mais ça, c'est pareil. Si ça vous amuse, vous n'avez rien d'autre à faire que d'embêter le monde. Mais je suis en train d'essayer Nemo au cochon d'Inde. Oui. Vos conneries, il y en a marre. Hein. Bon, bah, c'est tout.